ni Belle, ni Vigira. La mise en onde est assurée par Dorine Ouimana. Nous sommes jeudi 18 juillet 2019. Bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous du journal en français, mais d'abord l'essentiel. La note de demande et d'octroi des annales au personnel de la Régie des Eaux a été de très courte durée. Introduite ce mercredi par le directeur des ressources humaines à la Régie des Eaux, elle est annulée le lendemain, c'est-à-dire ce jeudi. Vous en aurez les détails. Au sommaire également, ce sont ces préparatifs au concours d'entrée dans les écoles d'excellence au sud de la capitale de Bujumbura. C'est en zone urbaine de Kanyosha. On vous parlera également de la chronique judiciaire et aujourd'hui, on va vous parler de la loi fiscale. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, une demande d'octroi des annales au personnel de la Régie des Eaux introduite ce mercredi par le directeur des ressources humaines a été annulée ce jeudi par la même autorité ce jeudi. Dans une correspondance adressée au chef de service chargé de la gestion des ressources humaines, ce directeur a fait cette demande, se référant au discours du président de la République du 1er juillet annonçant l'annulation du gel des annales pour les fonctionnaires. Selon cette même correspondance, ces annales devraient être accordées aux travailleurs de la Régie des Eaux à partir du mois de juillet 2019. Dans sa correspondance ce jeudi 18 juillet, dont l'objet est l'annulation de l'octroi des annales, le même directeur demande de ne pas mettre en application le contenu de sa précédente correspondance en attendant les directives des autorités hiérarchiques. Anatole Nzinahora parle d'une erreur d'interprétation du contenu du discours du président de la République. Et en page santé, 62 cas de choléra ont été enregistrés en province Cibitoke ces derniers jours, selon le médecin chef du district de Cibitoke. Dr. Celestin Dayahodze remercie tout un chacun pour s'être donné coréam afin que ces cas de choléra diminuent. Ils ont été réduits surtout par la sensibilisation de la population par les autorités administratives sur le respect des règles d'hygiène. Correspondance d'Alexis Ndaïlagic. Deux personnes malades de choléra sont arrêtées au centre de santé d'Ondava de la commune de Buganda. Le centre accueil des malades de choléra de Ogombo est en vide. Ceci est du ressort du médecin chef de district Chibitoke, Dr. Celestin Dayahose. Ce médecin indique que 62 cas de choléra étaient déclarés ces derniers jours dans le district de son ressort, c'est-à-dire dans les communes de Buganda et Ogombo. Dr. Celestin Dayahose précise bien que la réduction des cas de choléra a été due à la sensibilisation de la population au respect des règles d'hygiène par les autorités administratives, en commune de Buganda surtout, aux amendes infligées aux ménages qui n'ont pas de latrine. Après cette sensibilisation, les localités où la maladie de choléra était déclarée qui n'avaient pas de l'eau ont pu bénéficier de l'eau potable. Le médecin chef de district, Chibitoke, remercie l'ONG MSF qui a pu construire le centre d'accueil d'Ondava et qui a distribué de l'eau potable aux bénéficiaires. La Croix-Rouge qui a pulvérisé les zones où les cas de choléra étaient signalés. Les agents de santé communautaire, sans oublier les autorités administratives. Il termine en exhortant la population de continuer à respecter les règles d'hygiène afin d'éviter que cette maladie continue à se propager. Depuis Chibitoke, Alexis Ndaïlagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndaïlagije. Non loin de chez vous à Bubanza, les habitants de la province de Bubanza s'insurgent contre la façon de distribution du carburant quand il est disponible car il est vendu. Dans des bidons, comme il en a été le cas ce mardi, les véhicules et les motos qui attendaient, qui faisaient la queue devant la seule station qui disposait de ces produits pétroliers, n'ont pas pu être servis. Conséquence de cette pénurie de carburant, ce sont les prix du ticket de transport qui montent déjà. Space Caritas Cabañana. Il y a plus de 3 semaines que le carburant est introuvable dans toutes les stations de cette province de Bubanza. Une seule station a été approvisionnée ce mardi, mais beaucoup de véhicules n'ont pas été servis. Seuls les acheteurs dits illégaux qui apportaient des bidons ont été servis, ce que déplorent les conducteurs de véhicules et de motos. Le manque de carburant a donc causé la hausse des prix du ticket de transport qui a grimpé de 300 à 800 francs selon des localités. Doranda a Moussaigny, par exemple, par le véhicule, On payait auparavant 500 francs, mais aujourd'hui, les chauffeurs exigent 1000 francs par passager. Doranda Abubanza, c'était 700 francs auparavant, mais actuellement, c'est 1000 francs selon les passagers et les chauffeurs contactés. De Bujumbura Abubanza, on ajoute quelquefois 500 francs au ticket reconnu par la loi. Les motards ont fait la même chose. De Gihanga Aranda, par exemple, on doit payer actuellement 2000 francs, alors que le ticket reconnu est de 1500 francs. Au marché noir, un litre d'essence s'achète à 3500 francs jusqu'à 5000 francs et même 6000 selon les endroits. Spes Caritas Kabanyana Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Après une courte pause, on va parler de justice. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, mais également sur notre page Facebook. Il suffit d'écrire Isanganiro Burundi et n'oubliez pas de liker. Célébration ce jeudi 18 juillet à la prison centrale de Gitega de la Journée internationale de la population carcérale, baptisée Nelson Mandela Day. Le premier vice-président de la République, Gaston Sindi Mwoy, mais Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, et le représentant de la CICR au Burundi ont pris part à ces cérémonies officielles. C'est la deuxième fois que le Burundi célèbre cette journée. Notre correspondant Gérard Nibigila est en train de suivre ces cérémonies et nous donnera plus de détails dans nos éditions ultérieures. En page éducation, certains des parents ayant des enfants qui sont parmi les 5 premiers se préparant au concours d'entrée à l'école d'excellence, disent les préparer déjà, bien que la date de passation ne soit pas connue. L'idéal serait que les élèves soient préparés à leurs écoles respectives. Mireille Kanyangi a fait le tour au sud de la capitale économique, Bujumbura, et voici son reportage. Au sud de la mairie de Bujumbura, nous sommes passés à l'école fondamentale située à la première avenue de la zone Musaga et à l'école fondamentale Sokartier à Kinanira, ainsi qu'à l'école fondamentale Kanyosha. Sur ces trois établissements, nous n'avons pas trouvé d'élèves qui se préparent à ce concours d'entrée à l'école d'excellence. Des informations recueillies précisent qu'à certaines écoles, les préparatifs à ce test reviennent aux parents. Cependant, pour ce parent rencontré à l'école fondamentale de Kanyosha et qui travaille à cet établissement, son enfant a été troisième de la classe de sixième année. Elle prépare déjà son enfant en attendant que la direction lance un communiqué. On ne sait pas encore quand ce concours aura lieu. Je sais bien qu'on prend les 5 premiers des classes de sixième année. De mon côté, pour préparer mon enfant, je lui fais faire des exercices à la maison, les exercices des examens passés au troisième trimestre, mais aussi je lui fais des exercices des livres de sixième année pour voir là où il est faible, pour renforcer, mais aussi pour lui donner cette envie de faire l'examen, d'être le premier. Pour elle, l'idéal serait que les élèves et candidats à l'école d'excellence soient préparés à l'école. Le mieux serait que ce soit les enseignants qui préparent leurs enfants, mais il est encore trop tôt. Les parents se débrouillent à la maison maintenant. Les parents qui l'ont déjà su se débrouillent en préparant leurs enfants, mais il y a des parents qui ne sont pas encore au courant. Alors, quand le communiqué sera lancé, l'école lancera donc ce communiqué pour inviter les élèves à venir à l'école pour qu'ils soient préparés minutieusement par leurs enseignants. L'école fondamentale de Kanyosha compte 45 élèves candidats à ce concours d'entrée à l'école d'excellence. Merci Mireille Kanyang pour tous ces détails. Et en page environnement, une partie de la réserve naturelle forestière de Vianda, côté Mudzima, est en flamme depuis la nuit dernière. Le chargé de la protection de cette réserve promet de s'exprimer sur le cas après l'extinction de ces feux. Une opération qui a débuté depuis ce matin et qui se poursuivait jusqu'à 11h30. Et du sud du pays au nord, le programme de développement des filières conseille des agriculteurs de la province Ngozi des marais rizicoles aménagés passe au programme de ne pas semer le maïs afin d'éviter le retard de la prochaine saison rizicole. Bonaventure Ndouimana, chargé du suivi évaluation pour défi, parle d'une grande perte si on rate une saison rizicole à cause du maïs à longue période de récolte, car la production a quadruplé dans ces marais aménagés apollinaires à Mozagar. En cette période où la saison culturelle s'est bat son plein en gosier, les agriculteurs de ces marais aménagés par le Prodéfi sont appelés à semer le haricot, les légumes et non le maïs, une culture à longue durée de récolte. Le chargé du suivi évaluation au Prodéfi indique qu'au lieu de rater la prochaine saison rizicole de la saison culturelle A, qu'il serait mieux de laisser son maïs, car selon lui, la bonne production de riz est une solution à la famine qui ces dernières années menaçait plus d'un dans cette province. Ingénieur Bonaventure Nduima Anna annonce que le rendement moyen par hectare aménagé est de 5 tonnes 500 kg en gosier contre 1,5 tonne d'avant. L'aménage pour cette récolte rizicole, plus de 5500 tonnes de riz ont été produites sur les 1051 hectares aménagés par le programme de développement des filières en province Gauze. Cet expert agricole du Prodéfi conseille aux agriculteurs de ne pas écouler toute la production vers le marché afin d'éviter une disette dans les prochains jours. Environ 13 tonnes de bonnes semences de haricots sont en train d'être distribuées dans l'appellation de cette province par le Prodéfi pour cette saison culturelle c'est en cours. Donc aussi, Apone Mozagara, Radio Isanganir. Pour parler de femmes, on va se rendre dans sur la colline d'Ondi, où les habitants de la colline d'Ondi, située en zone commune de Musigati de la province de Bubanzam, reconnaissent l'égalité de genre entre tous les hommes et toutes les femmes devant la loi. Néanmoins, se basant sur la répartition foncière et des tâches, les hommes se taillent la part du lion, d'où l'inégalité des parts lors du partage des terres familiales. De plus, ces hommes restent convaincus qu'il y a des tâches uniquement réservées pour eux, ce qui cause le handicap du développement selon les femmes de cette localité, qui demandent de la sensibilisation sur l'égalité de genre. Les détails avec Evestine Boutoui. Parlons femmes. Des habitants rencontrés sur la colline d'Ondi, zone et commune de Musigati en province de Bubanza, indiquent que même si les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, ils affirment qu'il reste toujours des droits qu'ils ne peuvent pas jouir, notamment le partage équitable des terres familiales. Si on parle de l'égalité du genre, ici chez nous, nous avons une autre conception. Se basant sur le partage des terres familiales, notre culture est claire que la femme ne peut en aucun cas hériter de ses parents. Et si ça pouvait être le contraire, ce serait de la violence chez les hommes. De plus, un d'entre eux explique qu'il y a des tâches propres à chaque catégorie de personnes. Cependant, certaines femmes déplorent que cette inégalité dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes cause une fatigue chez ces dernières. Elle donne l'exemple d'une femme qui transporte son enfant sur le dos, la houe à la main et un bidon plein d'eau sur la tête au moment où son mari n'a rien comme bagage. Il y a une autre catégorie de gens qui considèrent l'homme qui fait des tâches ménagères, notamment la cuisson, comme s'il a été ensorcelé. De ce fait, condamne son comportement, expliqua qu'il n'y a rien de mal quand un mari aide sa femme, car le foyer appartient à deux conjoints. Clémence Bounounagui, consultant en Tanjar, fait savoir que l'égalité genre signifie jouir les mêmes droits que les autres, quelle que soit son appartenance sociale. L'égalité de genre, c'est l'égalité en fait entre les différentes catégories de personnes, sans considération de leurs différences, en sachant que quelle que soit la personne que tu es, le groupe dans lequel tu appartiens, tu as les mêmes droits, tu devrais avoir les mêmes opportunités que tout autre. Clémence Bounounagui propose que pour qu'on atteigne l'égalité du genre au Burundi, il faut qu'il y ait le changement de normes et valeurs qui fait que la femme soit inférieure à un homme, et puis lance un appel vibrant à l'endroit du gouvernement de mettre en place des lois en tenant compte du principe de l'égalité de genre. Merci Vestine Boutoui. Parlons sport avant de passer à la chronique judiciaire. L'équipe nationale de volleyball prend l'avion ce soir en destination de Tunisie, où elle va participer dans les compétitions africaines de football. Gandien Iladou Konda, président de la Fédération burundaise de football, fait savoir qu'ils se sont bien préparés pour représenter dignement le Burundi. Suivez-le au téléphone avec Jean-Marie Vianingenakouman. L'équipe nationale de volleyball va prendre l'avion à 18h en direction de Tunis, en Tunisie, pour le championnat d'Afrique des Nations. Quels sont les pays qui seront présents dans ces compétitions? À notre connaissance, il y a déjà 16 pays qui seront en compétition. Et côté burundais, comment vous vous êtes préparé pour ce championnat? Ça fait déjà un mois qu'on se prépare, qu'on fait des entraînements. On a pu amener même les joueurs qui évoluent dans le pays voisin, le Rwanda. Cela a été possible grâce aux efforts des présidents des clubs de l'origine de ces joueurs. Et nous remercions beaucoup le président de la République qui a pris une décision il y a 2 ans de considérer les jeux comme le volleyball, basket, handball, comme le football. Et nous avons approché le ministère pour mettre en place l'équipe nationale. Ça n'a pas été très facile, mais voilà, cette année, ça a réussi. On a pu entraîner l'équipe nationale. Ça faisait 5 ans qu'on ne participe pas dans ce genre de compétition. La dernière participation était de 2014. Vous voyez que 5 ans sans équipe nationale, c'est pas chose facile. Voilà qu'on réussit à participer dans cette compétition. Radio Isanganiro, chronique justice. Une étude destinée à analyser la situation du contribuable par rapport au respect de la réglementation relative est un moyen de détecter les risques fiscaux. Maître Artamon Douimana nous a expliqué dans la précédente chronique que l'ignorance de la loi fiscale est à l'origine de ces risques, le contribuable pouvant notamment tomber dans des sanctions de l'administration fiscale. Le fisc a le rôle dans ses attributions d'amener le contribuable à comprendre le bien fondé de s'acquitter de ses impôts. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire préparée et présentée par Alain Désiré Wukeyenet. La méconnaissance de la loi fiscale entraîne des risques fiscaux. Le contribuable ne pouvant pas profiter de cette loi, puisque ne reconnaissant pas l'importance du respect de la réglementation en vigueur. Maître Artemon Louimana donne comme remède le recours à l'audit fiscal, un outil de détection et de prévention des risques fiscaux visant 2 objectifs. L'audit de conformité qui permet de s'assurer que le contribuable respecte la loi fiscale et l'audit d'opportunité qui consiste à s'assurer que le contribuable a ainsi profité les avantages et les opportunités offertes par la loi fiscale. Cet audit d'opportunité permet aussi de savoir l'écart existant entre l'efficacité fiscale potentielle et l'efficacité fiscale atteinte. Pour mener à bien ces objectifs, le rôle primordial revient à l'administration fiscale. Le fisc doit continuer à mettre à jour les connaissances continuellement de ses travailleurs et les donner du matériel suffisant pour suivre régulièrement l'évolution de la loi, la réglementation et la doctrine fiscale et douanière. Des séances de sensibilisation à l'endroit des contribuables sont également nécessaires, continue ce professeur de l'université. Il faut que le fisc organise des séances et d'éducation du contribuable pour amener le contribuable à respecter la loi fiscale, à payer les impôts volontairement. Donc, c'est pour amener le contribuable dans ce qu'on appelle le civisme fiscal. Et l'expert en la matière explique en quoi consiste le civisme fiscal. C'est lorsque le contribuable respecte la loi fiscale d'une manière volontaire, donc pas par la force de l'administration. Que ce soit l'administration fiscale ou bien que ce soit l'administration d'une manière générale, il faut conjuguer les efforts pour amener le contribuable à comprendre la loi fiscale, à aussi connaître l'importance de payer ses impôts. Maître Artemon Louimana précise que l'impôt revient indirectement au contribuable puisqu'il est destiné à couvrir les charges publiques prévues pour l'intérêt général. Merci Alain Désiré Wukeyeneza. 13h15, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Dorine Nouimana, merci pour la parfaite collaboration technique. Eli Nibel Nibigira, je voulais présenter. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.